qu'il vaudrait mieux de déplacer l'horaire. Si peut-être même en fin de journée, peut-être ça faciliterait pour les gens qui travaillent. Évidemment, non, parce que vous êtes ici à cette heure-ci, comme ça ne vous pose pas des problèmes. Il faudrait donc vous poser la question aux gens qui ne sont pas là. Mais... Hein? L'après-midi. Oui, peut-être vers 17h, peut-être une chose comme ça. Arrangerait, puis donc je vais proposer à l'école qu'on fasse peut-être toujours le mardi, mais peut-être plutôt vers 17h, 16h, 18h, peut-être 17h, peut-être. D'ailleurs, si on reste ici jusqu'à 19h, donc il n'y a pas d'autre cours après. On ne sera pas obligé, non, pas obligé, comme actuellement, de terminer à pile à l'heure, parce qu'on pense actuellement le cas. Donc, il faut c'est quand même possible que pour l'année prochaine, je vois mieux la possibilité pour les étudiants de l'école d'avoir leur cours validé. Hein, parce qu'évidemment, parce que ce n'est pas validable. Oui, alors en fait, j'ai demandé, il faut que vous alliez sur le site et que vous demandiez, que vous envoyiez un. Il y a une rubrique particulière dans sur le site de l'école pour. C'est le professeur qui doit demander à ce que le cours soit validé. Oui, je pense que c'est le responsable de chaque formation qui s'est. Mais c'est possible, oui. Si c'est possible, moi j'aimerais bien faire le. Oui, donc ça serait bien évidemment bien mieux, oui. Arriver finalement à ce qui devait être la véritable question du cours, donc pas simplement donc un résumé de la thématique du fétichisme et du travail abstrait, mais également de faire avancer un peu cette théorie, surtout vers son côté subjectif, c'est-à-dire de quelle manière justement donc le capitalisme n'est pas seulement un rapport de production, mais également aussi une forme de subjectivité, ou donc une forme d'être au monde pour l'être humain. Sans d'ailleurs naturellement tomber dans le discours s'il y avait d'abord le poulet ou l'œuf, on va quand même. On va quand même dépasser donc, l'idée de la base matérielle et de la superstructure idéale sans tomber dans l'excès contraire qu'on pourrait appeler idéaliste. Donc, ici, justement, il s'agit pour nous plutôt de trouver justement comment le facteur qui sont matériels ou techniques d'un côté, qui sont toujours fortement imbriqués avec tout ce qui est de manière la formation, le développement de l'être humain, de son rapport au monde, de ce que pourrait appeler sa subjectivité. Et donc, là on va un peu commencer ce discours aujourd'hui avec peut-être une espèce de. D'introduction plutôt historique, donc ce n'était pas le but du cours ici de faire une histoire de la société marchande, parce que là ce serait encore un autre thème, mais également on ne peut pas en faire complètement abstraction, surtout parce que justement ce que nous intéresse est de savoir pourquoi essentiellement entre la forme du Moyen-Âge et le 18e siècle, donc il y a une société complètement nouvelle qui se met en place, donc ce qu'on peut appeler, qu'on appelle moderne ou société ou bourgeoise ou capitaliste, c'est à peu près la même chose, donc en rupture totale avec toutes les sociétés non modernes, comme nous l'avons dit souvent. Avec toutes leurs différences, les sociétés non modernes sont assurément beaucoup plus similaires entre elles que par rapport à la société moderne. Et justement, donc, cela n'est pas seulement une question économique ou technique, mais il y a un homme nouveau qui est né à cette époque-là, d'ailleurs. Évidemment, cela déjà mériterait un ou plusieurs séminaires pour entier, donc ce n'est pas une chose qu'on peut faire ici aussi. Mais selon moi, c'est un peu une espèce de programme de recherche aussi, bon, même. Parce qu'il y a dans cette élaboration de l'homme nouveau, donc on peut, je pense, essentiellement peut-être voir trois niveaux qui sont également aussi trois étapes chronologiques. Le premier, donc je vais parler brièvement aujourd'hui, c'est le fait que l'économie devient une économie monétarisée, donc que l'argent rentre au centre de la vie sociale, donc l'argent sort de son rôle de niche ou d'un argent essentiellement rituel et sacral pour devenir le véritable but de la production. Donc ce renversement dont parle Marx, donc la production, dans le capitalisme, on ne produit pas, l'argent ne sert pas à faire circuler des marchandises, mais on produit des marchandises pour produire de l'argent. Et donc ce processus-là peut quand même être daté, au moins selon Robert Kraus, essentiellement à partir du 15e siècle avec la révolution militaire, donc avec l'introduction des armes à feu, donc selon une théorie pas encore très répandu, moi je pense dans une grande future. Donc il y a d'abord le premier moment central, donc qui avec la naissance de ce qu'on pourrait, avec un terme plus moderne, appeler le complexe militaire industriel, donc avec les armes à feu, déclenche une dynamique qui dépasse totalement le cadre de société féodale antérieure. Et le rôle, donc l'argent change totalement de rôle, donc la production d'argent devient le but principal de la vie sociale, et c'est dans ces cadres là qu'est né aussi l'état moderne ou l'état proto-moderne. Est-ce que se forme une nouvelle forme de mentalité, donc c'est quelque chose qui arrive à peu près, on peut dire, peut-être à partir du 15e siècle. Donc après, une autre niveau, évidemment, de ce même processus de la création de la modernité, on peut l'indiquer évidemment là, au plan, disons, plutôt des idées, c'est évidemment la révolution scientifique au XVIIe siècle, donc sur le rôle de Galilée. C'est le rôle de Descartes, donc c'est l'élimination de la qualité et la réduction de toute force, de tout le processus naturel à la quantité et à la force. Et je vais aussi brièvement faire allusion à d'autres théories sur d'autres processus qui se seraient également déroulés au XVIIe siècle, qui font un peu partie de la même élimination du contenu à faveur d'une forme pure. Par exemple, cela arrive même, selon des études assez intéressantes, dans le domaine de la musique et dans le domaine du rythme dans la poésie. Donc, on va un peu parler. Donc, il y a donc cette espèce de forme vide qui commence à avancer. Évidemment, cela, ce n'est pas un processus conscient, mais c'est une manière comment aussi la logique de l'argent et du travail commence à restructurer la société en profondeur. Dans la même époque, nous avons donc la naissance de la pensée économique et donc finalement aussi cette espèce de désencastrement de l'économie. Là, nous en avons déjà parlé. Donc l'économie donc naît pas simplement comme une science, mais naît aussi comme une approche au monde qui, d'une certaine manière, prétend de résoudre le même problème auquel avant c'était à la religion et à la métaphysique et à la morale de donner des réponses. Justement, l'économie, nous avons déjà un peu vu l'autre fois avec Mondeville et avec des économistes notamment anglais. Donc l'économie ne se limite pas simplement à dire comment augmenter la richesse, mais elle développe rapidement une morale. Donc surtout en Angleterre, donc les économistes prêchent que l'enrichissement du particulier est un but en soi. Et donc, rapidement, l'idée avance que la société existe pour permettre aux particuliers de s'enrichir. Donc, c'était là aussi une rupture totale avec toutes les autres formes de société avant, où on demandait plutôt aux particuliers de vivre au service de quelque chose que le dépasse, une forme de transcendance, que ce soit la religion, que ce soit la monarchie, etc. Donc là, la dernière fois, nous avons un peu parlé de Louis Dumont qui, malgré toutes ses limites, je trouve, a quand même assez bien cueilli cet aspect du passage vers une société individualiste. Et finalement, l'autre niveau, j'espère qu'on peut en parler la prochaine fois, donc ce serait la réflexion proprement philosophique de ce même processus. Et donc là, la constitution du sujet, vraiment au sens philosophique moderne, donc c'est quelque chose qui essentiellement se passe dans le siècle et demi entre René Descartes et Immanuel Kant. Donc là, nous avons déjà chez Descartes, nous avons assez bien développé la scission entre l'objet et le sujet, donc une approche au monde qui se base vraiment sur l'idée qu'il existe d'un côté un sujet complètement désincarné, donc une pure pensée, donc je pense, donc je suis, qui se oppose à un monde qui est totalement objet, qui est totalement séparé par rapport au sujet. Donc ce monde externe inclut même le propre corps du sujet pensant. Donc il y a la séparation totale chez Descartes entre la res extensa et la res cogitans, donc entre une pure pensée et une pure objectivité. Donc on a beaucoup insisté sur le rôle des pivots de la philosophie de Descartes, mais je pense là on n'était pas à tort d'insister sur ce rôle. Et donc finalement, nous allons voir donc, déjà à la fin du XVIIIe siècle, donc chez Immanuel Kant, donc cette scission entre le sujet et l'objet, et la constitution d'un sujet qui est totalement acosmique, dans le sens qu'il est totalement sans monde, donc qui est totalement séparé, et déjà pratiquement accompli comme théorie, comme idéologie dans la philosophie à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est donc à partir de là, donc nous, c'est aussi un peu la thèse que je veux juste souligner ici, donc le capitalisme moderne donc juste et le fétichisme de la marchandise sont donc étroitement liés à cette forme sujet, donc à ce sujet qui s'est construit dans une opposition totale au monde et à la nature, et qui finalement débouche dans sa forme la plus pure exactement sur le narcissisme, qui en vérité, je vous rappelle, était quand même le titre de ces cours ici. Donc le narcissisme, donc, en sens psychoanalytique, donc un individu qui en vérité ne connaît que soi-même, qui n'est pas capable donc, d'avoir une véritable relation objectale, comme dit le psychoanalyste, avec le monde, donc cette forme de narcissique, d'une certaine manière, est là, donc, la forme au monde jusqu'ici, la plus accomplie, malheureusement, la plus tristement accomplie de cette scission entre sujet et objet, qui commence avec, de certaine manière, donc au XVIIe siècle, avec Descartes. Donc, évidemment, c'est un vaste programme, évidemment, en plus, le développer dans les détails dépasserait d'ailleurs même beaucoup mes propres capacités. Donc, je dirais que c'est plutôt une espèce de programme de recherche auquel, je pense, beaucoup de chercheurs pourraient passer beaucoup de temps pour le développer. Mais en plus, il existe de toute manière beaucoup de matériaux, il existe beaucoup d'études. Ici, dans mon cours, je me base toujours sur des études faites par d'autres, mais je trouve qu'il y a toujours ce défaut que ce sont toujours des études particulières. Si je dis particulières, la question, ce n'est pas une simple transdisciplinarité banale où on met ensemble différentes approches. Mais ce qui manque presque toujours dans ces approches, par exemple sur l'histoire de la pensée scientifique ou sur l'histoire de la pensée économique, c'est de voir dans tous ces différents phénomènes quand même des facettes d'un processus unique. Un processus unique et en même temps subjectif et objectif, scientifique et économique, etc. Mais qui en même temps, ces différentes facettes sont quand même asymétriques parce qu'il y a quand même la transformation de la production dans une production d'argent qui, d'une certaine manière, se trouve au cœur de cette nouvelle forme sociale qui avance. Donc, ça ne veut pas dire qu'on peut déduire unilatéralement les autres facteurs de la forme marchandise, mais c'est quand même une espèce de noyau, de centre de la modernité. Et donc, cela ne veut pas du tout dire qu'il y a une base économique, parce que justement, c'est le propre de la forme argent de forme et de la forme marchandise et du travail abstrait de ne pas être des facteurs économiques au sens strict, mais d'être des faits sociaux totaux, comme dirait Marcel Mauss. Et Et donc, surtout, donc, ce qui me semble le plus important, c'est justement de toujours regarder le rapport entre deux facteurs qu'on pourrait appeler matériels ou à la limite économiques et d'autres facteurs qui sont plutôt dans le développement des idées, des approches, des mentalités. Parce qu'il semble extrêmement difficile de ne pas privilégier un de ces deux facteurs, parce que presque toutes les approches historiques privilégient toujours un de ces deux niveaux. Je dis, traditionnellement, l'approche bourgeoise, la science bourgeoise en général privilégiée, donc l'idée, l'apparition des nouvelles idées, de nouvelles. Par exemple, on expliquait la Révolution française, par exemple, avec la diffusion de la pensée de Lumière. Donc, parfois, dans ces versions les plus banales, l'histoire devenait finalement l'histoire des grands penseurs, des grands génies. Donc après, le matérialisme historique a renversé cette position. Donc là, au contraire, on expliquait tous à partir de changements dans la sphère productive. Et les idées n'en étaient une calque. Donc là, dans les cas extrêmes, la Révolution française et la même pensée de Lumière est due évidemment au nouveau rapport de production, dans la transformation du féodalisme en commerce et manufacture, donc qui aurait donc, selon la vulgate marxiste, produit d'abord les Lumières en tant qu'auto-affirmation de la nouvelle bourgeoisie et donc finalement comprise des pouvoirs politiques. Donc paradoxe, le matérialisme historique a longtemps a été assez influent dans ces versions plus banales, je pense qu'il a perdu beaucoup de crédit. Difficilement, par exemple, on trouverait aujourd'hui quelqu'un comme, ça me vient à l'esprit, Jurgi Lukács dans son livre La destruction de la raison, publié en 1954, lorsqu'il déclare que toute la philosophie moderne est non-marxiste et réactionnaire. Et lorsqu'il arrive dans son livre à Kierkegaard, il dit, pour bien comprendre la philosophie existentialiste de Kierkegaard, il faut d'abord voir quel était le rapport des classes en Danemark dans le deuxième quart du 19e siècle. Donc c'est vraiment extrêmement donc, unilatéral et mécaniste donc, de voir en Kierkegaard l'expression de lutte des classes de son époque. Où il y a aussi les fameux explications données par Karl Kautsky donc à la fin du 19e siècle, que la philosophie de Spinoza donc avec la tolérance religieuse, donc cela réfléchissait les intérêts de riches commerçants de la laine en Hollande qui voulaient évidemment exporter leur laine partout sans rencontrer des obstacles religieux. Donc ce matérialisme banal, évidemment, je pense, n'est plus de mise, mais. Et il a souvent, au contraire, je pense, il a donné lieu plutôt donc, à une espèce de retour d'une certaine explication à travers les idées. Je pense que vous l'avez déjà nommé. Déjà, par exemple, chez un auteur comme Foucault, il y a quand même ces épistèmes qui arrivent un peu de nulle part, donc on ne comprend pas vraiment bien pourquoi, par exemple, au XVIIIe siècle, il y a un nouveau épistème qui s'établit. Donc souvent, dans ces approches, on bannit même explicitement toute tentative de lier ce changement dans les histoires des idées au changement dans d'autres sphères de la société. Et nous avons parlé l'autre fois de lui du monde. Lui, il le dit même explicitement, donc il fait exclusivement une histoire des idées. Et comme je vous ai cité, avec ce que je trouve un simple truc de prédestigateur, il dit, on ne peut pas expliquer la naissance individualiste avec des causes, disons, matérielles ou économiques ou autres, parce que parce que l'affirmation que les idées eux-mêmes sont une conséquence d'une base matérielle fait déjà partie du paradigme individualiste qu'on ne peut donc pas expliquer à partir de ses propres présupposés. Je dis voilà, je trouve que du monde dans ce cas ce sont vraiment des sophismes. Mais chez du monde donc, il y a ce refus explicite mais on les trouve également chez Polanyi aussi. Il semble quand même que il décrit le libéralisme anglais donc essentiellement comme une utopie réalisée. Donc là aussi, il semble qu'il y avait d'abord une espèce de mauvaise idée qui finalement on ne sait pas comment à réussir à se incarner dans la réalité, vous trouvez beaucoup plus proche chronologiquement de chez nous un auteur qui n'est pas sans intérêt, comme Jean-Claude Michéard avec ses études sur la genèse du libéralisme, mais qui également, dans sa dénonciation du libéralisme, il est souvent assez fort, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, donc il indique comment aussi le socialisme originaire, de certaine manière, a perdu son âme lorsqu'il s'est fait phagocyté par le libéralisme porté par la gauche bourgeoise. Mais je trouve que ces livres sont très décevants au plan historique, là aussi, qu'il semble que toute la pensée libérale n'était que là aussi une espèce d'incident de parcours historique, parce qu'il explique avec les guerres de religion, donc notamment en France au XVIe siècle, en disant que là on était tellement choqué par les violences et les horreurs de la guerre civile religieuse que c'est là qu'on a commencé à avancer une explication non religieuse, non métaphysique de la réalité, mais basée sur l'intérêt personnel. Donc justement, les credos libéraux disent finalement on s'en fiche de ce que tu penses, de ta religion, etc. La seule chose qui compte, que chacun puisse poursuivre sa quête de bonheur en termes économiques, en termes de richesse matérielle. Donc, ce qui est vrai, donc cette pensée née effectivement au XVIIe siècle, ben je pense là aussi, il serait trop unilatéral d'y voir simplement une réaction aux guerres de religion, et donc une espèce de tentative de créer une espèce de base commune entre tous les êtres humains, donc lesquels plutôt que de se casser la tête, l'autre nom de la religion devrait simplement coopérer sous forme d'un marché anonyme. Donc, évidemment, Michéard, il critique cette naissance de la pensée libérale. Moi, je trouve qu'il lui donne une explication là aussi, effectivement historique, mais quand même beaucoup trop courte et toujours encore un peu dans le ciel des idées. Donc là aussi, donc, il donne beaucoup de poids justement à des penseurs qui avaient tenté de dépasser le cadre de la de guerre de religion. Donc même Marcel Mauss ne se demande pas d'où vient le changement. Donc il analyse justement effectivement le passage d'une société du don à la société de l'échange marchand. Mais lui aussi, il reste assez sur les vagues, sur les causes. Il dit, citation de l'essai sur le don. Il a fallu la victoire du rationalisme et du mercantilisme pour que soit mise en vigueur et élevée à la hauteur des principes les notions de profit et d'individu. On peut presque dater, après Mondeville, fable des abeilles, le triomphe de la notion d'intérêt individuel. Donc cela, c'est l'opinion donc de Mauss. Lui aussi, il se réfère à Mondeville, qui est évidemment un auteur donc idéal pour le détester. Donc, c'est où ça? C'est laissé sur le don vers la fin. Page 116 de la version que j'ai trouvée sur Internet. Donc là aussi, les notions de profit et d'individu, donc même pour Mauss, naissent d'abord dans la sphère des idées, donc victoire du rationalisme, du mercantilisme, donc d'une approche théorique à la réalité, et donc après la réalité s'adapte à ces idées. Donc je trouve cela comme assez surprenant. Donc on trouve la même chose chez des auteurs féroces comme Castoriadis, donc avec ses recherches sur le rôle de l'imagination dans l'histoire. Là aussi, donc il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Donc la question est assez intéressante que pose Castoriadis. Alors pourquoi il y a des moments où une véritable nouveauté apparaît dans l'histoire? Mais justement, pour Castoriadis, là aussi, ce semble être un peu comme une espèce de poussée d'une espèce d'imagination ontologique qui parfois évidemment a des accès de fièvre, comme par exemple dans la Grèce ancienne. Et vous avez aussi le livre L'invention de l'économie de Serge Latouche, où également, finalement, on ne parle pas trop de l'invention de l'économie, mais de l'invention de la pensée économique. Et donc, il n'est pas surprenant que même des auteurs comme Latouche et son école, ils on a l'impression que même aujourd'hui, par exemple, que la croissance qu'ils combattent est essentiellement aussi une question de fausses statistiques, une question d'une mauvaise manière de calculer la richesse sociale. Donc, ils disaient que donc, la touche, par exemple, il emploie beaucoup d'énergie à démontrer que tous les indicateurs de croissance sont faux parce qu'on ne tient pas compte de tous les autres coûts sociaux, économiques, etc. Que si on utilisait on tenait compte d'autres éléments, par exemple, pour déterminer la richesse réelle d'une société, on arriverait, par exemple, à tout d'autres conséquences. Donc, on a là aussi un peu l'impression. On a aussi des économistes alternatifs ont aussi élaboré, par exemple, des indicateurs alternatifs d'économie, alternatifs à ce qu'on appelle le PIB, le produit industriel brut, etc. Donc, beaucoup de ces auteurs, donc l'école de Mauss et de Polanyi, donc, je trouve dans leur analyse historique, comme dans leur analyse du présent, donc ils voient donc dans l'économie et surtout dans le règne de l'économie marchande essentiellement une mauvaise idée, donc ou à la limite une espèce de conspiration. Donc je pense que je l'avais déjà dit, de même que souvent dans les analyses produites par exemple par Pierre Bourdieu, par attaque par le monde diplomatique, etc. On a l'impression que tout le néolibéralisme était essentiellement le fruit d'une conspiration menée par les néolibéraux des gens de Van Hayek, donc qui ont réussi à corrompre, à détourner des hommes politiques et à étendre leur mafia intellectuelle partout. Ce qui peut être vrai, mais évidemment, on ne peut pas y voir la cause. Et donc le même modèle un peu conspirationniste, il l'applique également à l'histoire. Donc il semble que finalement c'est la faute de Bonneville, d'Adam Smith, de Locke, etc., d'avoir créé l'économie capitaliste. Donc il semble que, donc, que les idées, de certaines manières, tombent du ciel et après, donc, ils réussissent malheureusement à un certain moment à plasmer la réalité selon l'idée. Donc, si je la résume en si, ce semble peut-être un peu caricatural, mais il est vrai que je trouve, selon ces auteurs-là, pratiquement aucun lien entre l'histoire, entre guillemets, entre ce qu'on pourrait appeler l'histoire réelle et l'histoire des idées. Et justement, donc, ce lien entre quand même l'évolution, donc aussi dans la sphère de la production matérielle, avec l'histoire des idées, donc justement cette question est souvent évacuée rapidement au nom de l'économicisme. Donc là aussi, même des auteurs de gauche accusent donc souvent Marx d'économicisme, donc c'est-à-dire de tout réduire à un facteur économique. Par exemple, je vous lis quelques citations de Pierre Bourdieu. Il dit que le marxisme est la plus économiste des traditions. Et Bourdieu traite le marxisme et le néolibéralisme comme des instances du même fatalisme économique fondé, dit-il, sur la fétichisation des forces productives. Et encore Bourdieu dit, et ce n'est peut-être pas par hasard que tellement de gens de ma génération sont passés sans peine d'un fatalisme marxiste à un fatalisme néolibéral. Dans les deux cas, l'économisme déresponsabilise et démobilise en annulant la politique et en imposant toute une série de fins indiscutées, croissance maximum, compétitivité, productivité. Alors, par exemple, surtout dans cette dernière affirmation, je dirais que le bon Bourdieu, il mélange une observation, je dirais, juste avec une autre qui est totalement fausse. Il dit justement que le marxisme traditionnel, effectivement, évidemment, réduit tout ça d'une dimension économique. Aussi, nous l'avons bien critiqué. Mais, justement, dans la perspective des Bourdieu et des autres, donc cela est une simple erreur de perspective, une erreur d'interprétation, donc auquel on peut échapper si au contraire on donne son juste poids à d'autres facteurs comme la politique. Et donc dans la perspective justement de Bourdieu, donc cela ça développe une espèce d'invitation à l'agir politique et donc l'espoir finalement que l'État, c'est finalement toujours un appel à l'État, soit capable à travers la législation, les impôts, etc., de dicter une loi plus juste et meilleure au marché. Tandis que dans la perspective de la critique de la valeur, c'est bien différent. Il est vrai qu'il y a cet économicisme d'abord dans la théorie marxiste, mais on peut dire que cette théorie est erronée lorsqu'on l'applique à toute société possible ou à toute vie humaine possible, comme le fait le matérialisme historique. Mais en tant que description de la société capitaliste, l'économisme garde quand même une bonne partie de la réalité, parce que c'est le propre de la logique du fétichisme de la marchandise, de tout réduire à n'être qu'une quantité de travail abstrait. Cela n'est pas un facteur naturel, cela n'existe pas partout. Donc le matérialisme historique se trompe lorsqu'il ontologise ces constats. Mais en même temps, ce n'est pas une simple leurre de l'esprit. Donc l'économisme est quand même bien réel, et ce n'est pas simplement dû à la distribution d'une espèce de mauvaise idée. Donc on pourrait se libérer en adaptant une idée meilleure, par exemple une autre façon de calculer la richesse sociale, comme le font les économistes alternatifs. Donc cette soumission de la vie entière à l'économie existe bien dans la société marchande, mais il faut la dénoncer comme un scandale et démontrer ses effets sociaux négatifs. Il ne faut pas simplement nier son existence. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, on retourne toujours à ce que disent Marx et Engels au début de l'idéologie allemande, où ils parlent de l'homme qui pensait que pour ne pas se noyer dans la fleuve, il suffit de se libérer de l'idée de la pesanteur. Donc il faut dépasser dans sa tête l'idée de la pesanteur, après on ne va plus se noyer. Et justement, comme dans toute l'idéologie allemande, cela a été évidemment dirigé contre les jeunes écrivains de l'époque, contre Stirner, Bauer et d'autres, qui justement pensaient que tous, et c'est seulement une question de la juste conception du monde, que la conception appropriée du monde soit déjà directement un changement de la réalité. C'est évidemment aussi en opposition à cet idéalisme unilatéral que Marx et Engels dans l'idéologie allemande ont commencé à développer le matérialisme historique, donc aussi en opposition à ce climat-là. Et donc je pense que c'était un peu une malheur aussi dans l'histoire du marxisme qu'après on a trop canonisé, par exemple dans les écrits comme l'idéologie allemande, qui reste quand même une œuvre de jeunesse, et parfois argumente quand même assez, comment dire, à la hache. Donc c'est quand même assez empiriste et nominaliste, donc je ne trouve pas que ce soit le livre le plus fertile de Marx. Alors justement, si on ne veut pas rester avec une explication de la modernité comme une naissance dans la tête, comme le fruit simplement de la réflexion des philosophes. Et si on ne veut pas, il y a peut-être une autre explication un peu plus sophistiquée, donc qui ne réduit pas la modernité à des zones fonctions des philosophes, mais qui voit surtout un développement immanent à l'histoire du christianisme. Donc, je l'avais dit l'autre fois, donc je l'avais dit la semaine dernière, le père de l'Église sont assez à la mode actuellement comme explication. Donc on trouve souvent le début évidemment de la mentalité moderne, déjà dans le début du christianisme, dans cette coupure entre l'ascète et le monde, donc avec cette idée que le chrétien il doit se retiré du monde, donc que la véritable mission du chrétien c'est justement de renier le monde et plutôt donc de se replier sur soi-même. Et donc il existe, je pense, dans toute une littérature qui trouve que même l'origine du capitalisme, et tout ce que nous pouvons appeler individualisme, et même que l'origine de l'athéisme, du matérialisme, de certaine manière, remonte justement dans une espèce de dialectique intérieure du christianisme. Je pense que cette théorie également, il y a beaucoup de vrai. Évidemment, on connaît le rôle de la religion protestante pour le développement du capitalisme. J'ai déjà brièvement fait allusion au fait que les chers moines dans les monastères au Moyen-Âge ont au moins développé deux présupposés effectivement du capitalisme. Donc d'abord, une mentalité positive du travail. Je pense que nous avons déjà brièvement parlé de ça. Donc déjà au XVIe siècle, Saint Benoît, donc la règle donc, de Bénédictin, c'était « ora et labora ». Donc travailler, donc c'est évidemment mis au même niveau que la prière, donc que le travail était déjà une espèce de prière, et que donc les moines évidemment la plupart travaillent, donc justement ils travaillaient surtout dans l'agriculture, et donc cette idée ancienne que le travail est quand même une espèce de honte, donc qu'il faut le plus possible éviter donc il faut charger les autres, donc a sûrement trouvé donc une première. Une première négation dans la mentalité chrétienne, donc pour laquelle le travail était effectivement encore considéré comme une souffrance. Oui, parce qu'effectivement, le monde, il devait travailler comme une forme de leur ascèse. Donc c'était de même qu'évidemment, on s'est privé de nourriture, on s'est privé de sommeil, on devait aussi travailler. Donc ce n'était pas encore comme aujourd'hui qu'on présente le travail même comme l'autoréalisation, donc comme une forme de divertissement ou de auto-épanouissement. C'était encore une espèce de châtiment qu'on infligeait en soi-même, mais justement, le christianisme, c'est la première religion systématique donc, qui évidemment a fait de la souffrance dans ce monde une condition pour accéder à d'autres, à une forme d'existence plus haute. Et il est vrai que là, on le trouve aussi dans certaines religions, notamment en Inde, mais justement, il y a cette différence que surtout dans les ordres monastiques, justement, cette ascèse donc, ne passe pas seulement par la contemplation, mais par la sortie du monde, comme c'était le cas en Inde, mais passe également justement pour la réalisation dans le monde à travers le travail. Et la deuxième chose sympathique qui on a rencontré dans le monastère, c'était évidemment c'était le temps abstrait. Donc toi, si tu as fait samedi dans le résumé sur ça, donc Fausto insiste beaucoup sur ça, que les premières horloges apparaissent dans les monastères. Donc les monastères ont des journées absolument réglées, donc où ce sont des cloches qui règlent la journée. Et donc on m'a dit que quand même au Moyen-Âge, la journée était encore réglée sur la lumière. Donc, par exemple, normalement, c'était la journée de lumière qui était divisée en 12 heures. Donc, ce n'était pas encore comme aujourd'hui, un temps absolument mathématique et toujours égal. Mais au moins, une première part était faite dans la direction, vers un temps abstrait, donc qui n'est plus lié au temps biologique, aux saisons, donc au rythme des journées. En plus, bon, on peut peut-être répondre à ce thème, mais il est évident que la valeur même, en tant que où c'est le temps de travail qui compte, évidemment, sans égard pour son contenu, et évidemment, est assez lié à la diffusion de cette nouvelle forme, temporel au monde, où donc le temps n'est plus quelque chose lié à différents événements, donc n'est plus un temps concret de différentes choses, mais il y a un temps abstrait qui avance, un temps lié donc justement à un caractère mathématique, donc un temps aussi qui est un monde cyclique et qui est de plus en plus considéré comme une espèce de fleuve unilatéral. Comment c'est, les sociétés agraires sont essentiellement cycliques, donc en vérité, rien de nouveau n'arrive jamais. C'est sûr que c'est là aussi le christianisme, d'une certaine manière, introduit pour la première fois cette idée que le temps a une direction, qu'il y a une future, d'une certaine manière, qui nous attend. Enfin, on s'est beaucoup glosé sur ça. Au nom, par exemple, il y a toutes des études, par exemple, sur l'eschatologie, et donc sur la même idée du progrès et d'une amélioration de la société, est une idée qui finalement vient évidemment de cette attente chrétienne de la fin du temps. Mais on a moins insisté sur le fait que justement, donc, il y a aussi d'abord à partir des monastères, il y a donc justement ce fait comme assez concret et matériel que ce sont d'abord les horloges dans le tour et après aussi les montres qui apparaissent, je pense, au 15e siècle, donc que la vie commence à être structurée donc, par une espèce de carcasse donc, de temps qui n'est plus justement le temps que nous percevons autour de nous à travers la lumière, les saisons, etc., mais qui est une catégorie de cette manière purement mathématique, divisible à l'infini. Et donc voilà aussi pourquoi, semble-t-il, que c'est à la même époque, donc vers la fin du Moyen-Âge, vers le 14e siècle, qu'éclate aussi d'ailleurs le premier conflit sur un thème qui était premier d'une grande future, c'était la durée de la journée de travail. Parce qu'avant, c'était une évidence que les journées de travail s'arrêtaient au moment donc, au coucher du soleil. Et c'était, il semble que dans les premières formes de manufacture vers le 14e siècle, qu'il y avait les premières formes de conflit et de grève, par exemple parce qu'il y avait des employés qui justement demandaient à leurs ouvriers de travailler même avec une lumière artificielle, après le coucher du soleil. Et là aussi, c'est assez typique, donc, dans ces cas-là, donc, la révolte des ouvriers donc, était faite surtout au nom d'un ordre naturel, et donc l'invasion de cette nouvelle mentalité du travail et de l'argent était essentiellement ressentie comme quelque chose de non naturel, donc une espèce de violation presque d'un ordre cosmique, d'un ordre divin. Non? Et le contraire aussi, trop de soleil, trop chaud, donc on chaume. Du grec coste, chaleur, c'est l'origine du mot chômage, c'est la pause quand il fait trop chaud au milieu de journée, que pratiquaient tous les ouvriers agricoles. C'est les derniers qui emploient ce mot dans le vrai sens du terme, c'est les bergers provençaux qui disent en milieu de journée, regarde mes brebis, elles chôment. Parce que les brebis au milieu de journée cessent de brouter, il fait trop chaud, elles se mettent toute la tête à l'ombre de 5 pieds devant. Ça s'appelle chômer. Qu'on retrouve dans le mot cautérisé, à la chaleur, s'il vous plaît, en caustique, et le mot holocauste aussi. Oui, je trouvais un exemple du fait qu'avant, le temps était évidemment toujours en fonction de quelque chose de concret. Donc, le fait bien connu que les paysans pouvaient travailler beaucoup l'été et très peu l'hiver, donc c'est là, donc, on n'avait pas une journée de 8 heures, donc on avait évidemment, on n'avait même pas une perception évidemment du temps dans le sens comme si le temps avait une espèce de flux régulier. Le temps aussi pouvait être plus intense, par exemple aussi dans les moments de fête ou de rituel, et l'autre fois, elle pouvait être presque vide de contenu. Il existe maintenant aussi une petite littérature, donc justement sur cette conception, même une auteure un peu facile comme Jeremy Rifkin, je crois, elle a écrit un livre qui s'appelle juste l'univers comme horloge, donc sur le grand... Donc, donc d'abord, on a inventé l'horloge et finalement, on a commencé là aussi à imaginer que toute la réalité, finalement, n'est qu'une espèce d'horloge. Je suis jusqu'à la fameuse idée du dieu horloger donc, dans les philosophes du XVIIIe siècle. Donc finalement, l'horloge était une chose qui était inconnue par l'humanité donc, pendant toute l'Antiquité et tout le Moyen-Âge et donc finalement est devenue presque la métaphore évidemment parfaite de comment la modernité voit soi-même et voit la société. Mais, justement, je vais y arriver, dans toutes ces considérations, il manque de certaines manières effectivement ce que l'élément central. Donc d'abord, nous avons une mentalité, le changement des mentalités, parce que après ça sonne plus positif du travail. Mais, par exemple, déjà Max Weber a démontré que, par exemple, même par exemple, en Chine, par exemple, la mentalité du Confucius avait quand même une mentalité parfois qu'on peut comparer à la protestante. Et on sait aussi qu'évidemment, les niveaux scientifiques, par exemple, en Chine et en Inde, ou même une certaine... pensée abstraite mathématique en Inde n'était pas moins développée qu'en Europe. On sait en plus que même l'astronomie, autre chose très abstraite chez les Mayas, était beaucoup plus développée qu'en Europe. Donc en vérité, on peut difficilement expliquer la naissance du capitalisme simplement par ce facteur et même par une sorte de combinaison. Donc il montre un peu un élément vraiment central qui était capable de transformer la production, effectivement la production de reproduction quotidienne de la vie, donc de la population dans sa totalité. Et donc ces éléments donc expliquer pourquoi finalement donc l'histoire européenne à partir de la fin du Moyen Âge s'est séparée donc de l'histoire de tout le monde, et pourquoi c'est l'Europe qui a conquis le monde et pas le contraire, parce que justement le niveau aussi technologique de l'Europe était jusqu'au XVIe siècle pas supérieur, parfois même inférieur à la Chine. Mais justement, on s'est souvent demandé où était la différence, pourquoi finalement ce ne sont pas les Chinois qui ont conquis l'Europe, mais vice versa. Pourquoi la Chine est malgré tout, par exemple, restée un pays féodal jusqu'au XXe siècle. Et donc parmi les théories, donc évidemment notre ami Robert Kurz a beaucoup insisté sur le rôle central qui était dû à la révolution militaire. Je pense que certains d'entre vous connaissent cette théorie qui est même assez importante pour la critique de la valeur, mais je l'ai reçue quand même brièvement pour les autres. Alors, révolution militaire est aussi le titre d'un livre d'un historien anglais, Geoffrey Parker, qui est aussi traduit en français par Gallimard. Il n'existe pas beaucoup d'études. Il existe évidemment des études d'histoire militaire, mais pas beaucoup d'études vraiment sur la transformation de la société à travers l'invention des armes à feu. Donc, la poudre a été inventée déjà au XIVe siècle, c'était pas... Oui, non, même en Europe, c'est-à-dire le premier. Et elle était connue également par les Chinois et aussi de certaines manières, je crois, même dans la Rome ancienne. Et donc l'usage principal, c'était pour faire des feux d'artifice, même si en Chine, parfois, on avait déjà commencé à utiliser des armes à feu, donc mais jamais sur un plan systématique. C'était justement en Europe qu'on a commencé au XVe siècle à développer surtout les canons. Au début, le canon était beaucoup plus important que le fusil. Et donc, on a eu un développement très rapide de ces instruments à tuer. Et ce qui probablement était aussi beaucoup poussé par le fait que l'Europe était partagée par des petits États qui étaient dans une guerre permanente, qui avaient beaucoup d'intérêt à s'armer le plus possible. Et on sait en effet que le pays le plus développé de l'époque était l'Italie. Mais lorsque Charles VIII, en 1494, a envahi l'Italie, donc il a conquis pratiquement avec les petits États italiens avec très peu de fatigue, et c'était surtout les armes à feu qui faisaient la différence. Donc les armes avec des canons, donc on pouvait battre en brèche en quelques jours donc la plus puissante muraille et donc conquérir n'importe quelle cité. Et même le fusil n'était pas toujours nécessairement supérieur aux anciennes arches, mais il avait en plus évidemment aussi un aspect psychologique qui d'ailleurs a beaucoup aidé commencer les Européens, par exemple, à conquérir le Mexique et le reste de l'Amérique. Donc bref, une fois que les armes, donc à partir des 1400, donc il y a une croissance exponentielle d'abord dans la production d'armes à feu, et ensuite aussi dans son pendant, c'est-à-dire dans la construction de forteresses, donc pour résister donc aux canons. Les forteresses médiévales ont été complètement transformées avec des systèmes assez complexes qu'on peut voir dans le château, donc avec des formes à étoiles qui doivent aussi tenir compte de l'angle de se dérober à l'angle des tirs. Et donc, nous sommes Et donc, déjà dans une véritable course aux armements au 15e siècle. Et on peut donc dire que cela a profondément changé la structure de la société à plusieurs égards. Donc, d'abord, déjà, alors, disparition rapide de la chevalerie et donc de tous des chevaliers qui amènent lui-même ses propres armes et sa propre capacité, et qui était évidemment la base de la société féodale. Au contraire, donc maintenant, ce qui compte, c'est plus l'homme qui tient l'arme, mais c'est l'arme. Donc, il y a la technique pour la première fois, donc prendre absolument le dessus, parce que essentiellement une épée, une arme, cela pouvait être produite finalement aussi par une forgeron de village. Un canon, non, un canon, ça demande véritablement une infrastructure technique assez compliquée. Et donc, ça demande donc la création d'une véritable industrie, donc évidemment, au moins à niveau de chaque État. Et donc, déjà là, il y a donc une branche de la production donc, qui déjà dépasse, déjà par sa caractéristique technique, tout ce qui pouvait être fait dans une cadre simplement artisanal ou local. Donc, on demande déjà donc, une véritable organisation industrielle. Après, une fois les armes réalisées, ils ne demandent pas évidemment, comme par exemple une épée, à leur service des hommes qui consacrent pratiquement leur vie entière à des exercices d'armes. Au contraire, donc, il faut essentiellement des techniciens et des gens qui à la limite risquent leur vie. Et donc la guerre se professionnalise rapidement. Et donc la guerre, déjà à partir du 15e siècle, est essentiellement l'affaire donc, de ce qu'on appelle le soldat, parce qu'il prend une solde. Justement, on oublie parfois le lien étymologique entre solde, qui aussi en italien est d'ailleurs le terme habituel pour monnaie et solde, et le soldat, parce que le premier salarié au sens moderne, c'était le soldat. En Kurt, il insiste beaucoup, presque avec une espèce de rage, sur ce fait que le capitalisme, il est né dans le sang et dans le mou des guerres. Donc, les premiers entrepreneurs étaient les entrepreneurs de la mort et pas les entrepreneurs de la vie. Parce que la vision officielle des économistes, c'est que le capitalisme est pratiquement le produit d'une espèce de croissance graduelle et pacifique des marchés, dans le sens que déjà au Moyen-Âge, donc, la production a augmenté, les besoins ont augmenté, le commerce à longue distance a augmenté, donc peu à peu, la société, donc, peu à peu, les hommes ont commencé à descendre des arbres et à se créer une vie plus agréable, plus riche, et évidemment pour cela il fallait du commerce, pour le commerce il fallait du travail, de certaines manières. Donc la main invisible aurait déjà agi à cette époque-là, et donc la naissance du capitalisme était donc due, selon la version libérale, essentiellement donc au désir naturel de l'être humain de mieux vivre, d'accumuler un bien-être matériel majeur. Parce que je vous rappelle, aujourd'hui, l'économie libérale se base sur une supposition anthropologique que l'être humain a une espèce de pulsion irréfrénable à se entourer de plus de confort matériel possible, que cela est la base de la vie des individus et aussi de la société. Descartes, au contraire, il aime beaucoup insister sur le fait que ce n'est pas du tout le cas. Le capitalisme est né d'une catastrophe, ou comme lui, il dit d'une Big Bang de la modernité. Il a dit les armes à feu étaient, on peut dire, une double Big Bang. D'abord, évidemment, parce qu'il y avait une explosion dans le sens vraiment technique des armes à feu, et aussi parce que, à ce moment-là, évidemment, plusieurs facteurs se sont rencontrés. Oui, alors il y a l'invention des armes à feu qu'on connaissait aussi en Chine. Il y avait la mentalité déjà, le début des mentalités du travail et du temps abstrait. Certains historiens insistent aussi sur la contemporanéité des premières armes à feu avec la peste. La grande peste avait tué probablement entre une tiers et une moitié de la population européenne en 1348. Et a laissé une espèce de vide, donc une espèce aussi détruit beaucoup de la structure de la société féodale. Donc certains historiens donc, insistent aussi sur une espèce de début de la modernité, dans une espèce de table rase qui s'était créée donc, après ce choc terrible. Qui a écrit là-dessus? Marcos, il cite une historienne allemande qui, je pense, n'est pas traduite, je peux te donner une réponse, qui s'appelle Zinn, qui a fait un livre dans les années 80 qui s'appelle justement Le canon et la peste. Mais malheureusement, je pense, il n'est même pas très connu en Allemagne, et moi aussi, je ne le connais qu'à travers les citations qu'on fait. Mais je peux tenter de me renseigner davantage. Moi, je pense que d'autres historiens insistent aussi sur le fait que, sur le fort ébranlement qu'a subi la société féodale à travers la peste. Et probablement, même toute la vision chrétienne du monde a subi un fort choc, donc en voyant que moitié des gens pouvaient mourir parce que d'un jour à l'autre, sans qu'on pouvait l'expliquer véritablement avec une colère divine méritée. Et donc les premiers entrepreneurs, dans le sens des gens qui se font payer par l'État pour exécuter des tâches en recrutant d'autres salariés qui, eux, sont totalement indifférents à leur métier, c'était justement, ils prennent Thierry, donc c'était justement les chefs d'armée qui donc se faisaient payer par l'État, qui recrutaient justement les soldats, et donc on sait... Qui avait justement été des typiques salariés modernes, parce que différemment du chevalier qui était en théorie lié évidemment par le pacte d'honneur à son seigneur, les condottieries typiques, ils étaient totalement indifférents aux causes pour lesquelles ils combattaient. Ils pouvaient facilement changer évidemment même de chambre lorsque quelqu'un d'autre les payait davantage, et le soldat de même. Donc là, nous sommes vraiment dans le prototype du travailleur moderne. Ce n'est pas, par exemple, l'artisan qui produit des choses utiles, mais justement, c'est justement le soldat qui tue n'importe qui à commande si simplement il est payé. Il s'en fout du souverain, il s'en fait ce qu'il tue. Ouais. Hein? Il s'en fout du souverain pour qu'il travaille, il s'en fait ce qu'il tue. Il pourrait aussi tuer ses propres chefs, si cela lui convient. Donc il pourrait aussi tuer celui qui l'a payé, si quelqu'un d'autre le paye davantage. Donc toutes ces idées féodales de fidélité, de honneur, etc., disparaissent. Face, justement, là nous avons toujours la même chose, une forme vide de contenu. Donc cette guerre-là n'est pas de contenu. Et ce soldat-là, il se fiche de tout si simplement il reçoit leur paye. Donc, Kurz a même trouvé une chanson de soldat de l'époque qui dit exactement ça. Et alors là, alors, d'abord, donc, les soldats sont donc une espèce de salarié, un modèle de certaine manière. C'est le premier modèle, comme je dis. Donc même les premières entreprises capitalistes ne sont pas toujours, disons par exemple, des ateliers d'artisanat dont peu à peu la production a été transformée simplement à travers le rapport entre capital et salaire. Donc les premières grandes entreprises capitalistes sont donc des entreprises de destruction qui, en tant que telles, changent profondément le panorama social. Alors, il échange, alors, c'est notre fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut alors pour payer l'industrie qui produit des canons? Il faut de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut pour payer évidemment le soldat? Il faut de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut pour construire des forêts? Il faut de l'argent. Et donc, les États commencent donc à avoir une boulimie extrême d'argent. Tandis que dans la société féodale, l'argent existait, mais il jouait un rôle beaucoup plus limité. Essentiellement, donc, la base plus typique, même si pas, était la dîme, ou plutôt c'était une partie de la récolte qu'il fallait donner au Seigneur et à l'Église. Il est vrai qu'il y avait déjà le début, au moins dans certains pays, le don matériel, la partie de la récolte avait déjà été remplacée dans certains secteurs de la société, déjà au Moyen-Âge, par de l'argent. Mais cela prend toute une autre proportion une fois que l'État commence à avoir absolument besoin d'argent pour payer le soldat. Pour les États, ce n'est une question de vie et de mort, parce que je dis, les États généralement petits sont en compétition extrême entre eux, et celui qui n'a pas assez de canons risque très vite de se faire bouffer par son voisin le plus proche. Je vous rappelle qu'au moment jusqu'au XIIIe, XIVe siècle, il n'existait pas des armées stables. Et il n'existait pas quelque chose comme un budget de l'État. Le roi, lorsqu'il voulait lever les impôts, il devait toujours faire une assemblée des nobles et demander pour un but spécifique de lever les impôts. Et en général, de toute manière, les armées ne coûtaient pas cher, parce que c'était en général, c'était au chevalier d'amener lui-même ses armes, ses propres fantômes, ses chevaux, etc. Tandis que les armées modernes, donc basées sur les soldats et sur des armes à feu, donc coûtaient très cher. Et donc les États ont donc commencé d'un côté à lever énormément d'impôts et ils voulaient des impôts en argent, ils ne voulaient pas, ils sont fichés d'avoir une partie du blé, ils voulaient donc que les gens faisaient n'importe quoi pour réussir à payer des impôts en argent. Et en même temps, donc l'État a commencé à cette époque-là à créer lui-même des manufactures donc pour avoir de l'argent, donc essentiellement les manufactures aussi qui n'étaient pas liées à une satisfaction de besoins locaux mais qui visaient également aussi à l'exportation. Et aussi, au moins, troisième chose, le colonialisme, l'expansion coloniale aussi était essentiellement, surtout dans sa première phase, une recherche d'or. Donc une recherche là aussi de quelque chose que pouvait immédiatement devenir monnaie pour l'obsession des Espagnols pour l'or. Et même les produits agricoles, etc., en général, étaient vendus même à des prix extrêmement bas, donc pas pourvu que ça donne une rente monétaire. Donc le rôle de l'argent à l'intérieur de la société explose donc à partir du 15e siècle. Cela, c'est quand même un fait connu aussi par les historiens sociaux. Et il semble que par exemple le poids des impôts à l'intérieur entre disons, le 15e et le 17e siècle est multiplié par 10. Donc ça veut dire que l'État, qui pratiquement avant était presque inexistant au niveau social, commence à devenir une réalité extrêmement lourde qui finalement veut apaiser presque exclusivement sur les paysans et sur les campagnes. Voilà pourquoi l'Europe, surtout en Europe, donc est séquée par une suite de grandes révoltes paysans, notamment les grandes guerres des paysans en Allemagne en 1525, parce que c'est juste pour les paysans qui sentent que leur situation est en train de se empirer dramatiquement. Il y a donc justement la vision positive dit que d'abord il y avait les ténèbres du Moyen-Âge où les gens ne pouvaient même pas manger à leur faim, et après, donc avec le début du capitalisme, finalement, donc, il y avait une espèce de croissance, de richesse, et tout le monde allait mieux. Alors, donc, rien n'est plus faux que cela. Donc, une historienne, sûrement non marxiste, comme simple Brodel, il a fait des statistiques, ou par exemple, il analyse combien de blé, par exemple, un petit artisan pouvait acheter avec l'argent qu'il avait à disposition. Donc c'est dans une espèce de valeur objective au-delà maintenant des fluctuations de la valeur monétaire. Et ce genre de statistiques démontrent que la aisance des classes populaires était une espèce d'apogée au début du 15e siècle, et qu'après il y avait une chute drastique qu'au 16e siècle, donc les masses populaires vivaient, donc même si vraiment si on considère la quantité de nourriture, par exemple, qu'ils avaient, vivaient beaucoup pire au 16e siècle qu'au 15e, et encore pire au 17e, c'est au 17e siècle qu'elle a touché, c'est-à-dire le fond, pour remonter lentement à partir du 18e siècle. Donc le capitalisme n'était pas du tout donc une espèce, au début, une espèce de création de richesses. Mais donc ce qui était essentiellement capitaliste au début, donc c'était cette complexe militaire industriel, comme on dit aujourd'hui, d'une certaine manière, qui s'était un peu installé presque comme une espèce de cancer dans les sociétés et qui commençait à soumettre les autres branches de la société, les autres branches de la production à ses propres nécessités. Aussi indirectement, parce que c'était évidemment l'État qui, comme je dis, que l'État qui naît essentiellement au XIe siècle, et donc avant c'était, on ne peut même pas vraiment parler d'un État au Moyen Âge, parce que c'était évidemment toute une pyramide de relations personnelles réciproques, donc évidemment qui étaient nées ensemble ce qu'aujourd'hui nous paraît un État. Où, évidemment, il y avait toujours ce rapport réciproque entre les vassals et celui qui lui donnait son fief. Donc un État comme une espèce de machine bureaucratique de gestion des hommes et de la production, donc né essentiellement à partir du 15e siècle, donc, et il naît autour de ce noyau militaire. En plus, comme je dis, il rencontre beaucoup de résistance, je vais dire, grande révolte populaire, et donc l'État donc, également renforce notamment donc, aussi son appareil répressif. Donc les armées, donc, finalement, ils ne servent plus seulement à l'extérieur, mais elles servent aussi à l'intérieur. Donc là aussi, au Moyen-Âge, il n'existait pas des armes stables. Donc, par exemple, lorsqu'il y avait une révolte paysanne, donc là aussi, donc, le seigneur devait prendre leurs armes et les combattre. Et donc, aussi, le nombre donc, des personnes armées à l'intérieur, donc de soldats à l'intérieur de pays également explose. Je crois que c'est là aussi la multiplication dans certains États par 20. Et l'État, il semblait déjà à l'époque, l'État le plus militarisé, déjà à l'époque, au XVIIe siècle, c'était la Prusse, le Brandenburg, où je pense il y avait donc des gens, une proportion énorme, je ne parle pas des chiffres, les gens, les 5% de la population étaient sous les armes. Mais c'était évidemment, il n'y avait pas de levée obligatoire, donc ils étaient tous payés, même si très mal. Et on disait en effet que les Brandenburg, Prusse, n'était pas un État qui a une armée, mais c'était une armée qui avait un État. Et donc la diffusion donc du rapport marchandise-argent donc passe largement à travers donc le rôle central que l'armée et les armes à feu ont copié à cette époque-là à l'intérieur des sociétés. Alors, juste on dit souvent que l'argent existait même avant, mais l'argent était quand même différentes formes d'argent dans les sociétés prémodernes en général, n'était pas. Était d'une manière subordonnée à la production des biens concrets, et souvent il ne mesurait pas de toute manière la quantité du travail. Donc en général, donc souvent l'argent faisait partie de toute une logique du don et servait également par exemple à exprimer une forme de reconnaissance, et souvent était par exemple existé sous forme de tribus qu'on payait, donc était aussi lié à une domination ou à une domination politique directe. Tandis au contraire, justement, avec la naissance du complexe proto-industriel militaire, l'argent change de fonction et il devient ce que Marx appelle aussi l'argent en tant qu'argent. Donc l'argent arrivé à sa véritable fonction capitaliste, c'est-à-dire une argent qui n'a plus la fonction éventuelle de faire circuler des marchandises, mais qui devient lui-même le véritable but de la production. Donc, j'ai insisté plusieurs fois sur cet aspect-là. Donc, justement, dans le discours de Marx, l'argent est une marchandise, donc est une marchandise dont n'est pas une convention, mais une marchandise dans laquelle toutes les autres marchandises représentent leur propre valeur. Mais avec et donc c'est la marchandise qui donne donc accès à toutes les autres marchandises. Et ce qui est aussi caractéristique du capitalisme, que là, la production d'argent, la transformation de tout objet en argent devient le véritable but de la vie sociale. Donc toute activité ne sert finalement qu'à obtenir de l'argent. Évidemment, ce n'est pas du tout une question psychologique individuelle, mais c'est la structure même où pratiquement la production concrète ne vaut rien, n'est même pas pour l'individu si on ne réussit pas sa métamorphose dans cette autre marchandise qui est évidemment que l'argent marchandise. Et donc c'est là que Marx l'analyse comme une, une étape aussi logique, donc il dit donc, à l'intérieur de la structure du capitalisme, mais en même temps, c'est aussi quelque chose qui n'est pas toujours existé, mais qui essentiellement est lié à une étape historique, où donc l'argent, de certaine manière, commence à sortir de l'ombre et à devenir, d'une certaine manière, le véritable régisseur de la vie, de la production et finalement de toute la vie sociale. Et donc ça veut aussi dire que les économies de subsistance, même si elles ne disparaissent pas complètement, perdent quand même beaucoup d'importance. Et l'individu, évidemment, justement à partir de cette époque-là, pour survivre, a besoin de transformer ses activités dans une quantité d'argent. Donc on ne peut plus se reproduire pratiquement sans argent comme c'était essentiellement possible dans une société féodale. Ceci est féodale, vous pouvez donc bien ou mal cultiver par exemple son champ, on devait par exemple donner peut-être une partie de la récolte au seigneur, il y avait la corvée qui également était une activité concrète, donc tout cela ça pouvait être extrêmement lourd. Mais comment dire, cela ne pouvait pas échouer. Donc la corvée ne peut pas échouer. Donc on ne peut, donc, parce qu'il n'y a pas une métamorphose à faire. Tandis que si la corvée classique, par exemple, on m'a dit que cela existait encore, fait une petite dégression, encore jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, dans certaines régions en France, on était obligé. Par exemple, à prêter 5 jours par an, on devait être à disposition de la commune, par exemple, pour réparer les chemins et les chaussées dans la commune. Évidemment, c'est une typique chose féodale, qui peut aussi être assez communautaire, c'est pas nécessairement une chose oppressive. Et là, donc, il suffit que tu es là, que tu as ta force de travail et tu exécutes cette tâche. Donc, c'était la corvée, comme justement. Je dis, dans ces cas-là, ça peut aussi être un accord communautaire, ce n'est pas nécessairement un seigneur, donc ça peut aussi être un accord. Mais évidemment que c'est un archaïsme, on a remplacé l'accord comme partout ailleurs avec un impôt en monnaie, mais évidemment l'impôt en monnaie c'est comme différent, parce que cela pour payer, cela présuppose que tu as, avant que tu as réussi dans un processus de transformer ta force de travail dans la marchandise argent. Tandis que dans le cas des corvées, donc tu ne cours pas ce risque-là. Évidemment, ce ne veut pas dire que c'est mieux, ça peut être même pire. Mais il y a comme une différence, parce que c'est typique de la société féodale, une société holiste, que personne ne risque d'exister hors de la société. Chacun a sa place dans la société, pour misérable qu'elle puisse être. Même les médiums ne sont pas hors de la société, dans la société médiévale. Ils ont même, c'est Dieu qui leur a donné ce rôle, et est même, d'une certaine manière, acceptable comme un autre rôle social, misérable, mais il n'est pas, on n'est pas nécessairement, par exemple, culpabilisé dans la société médiévale parce qu'on est médium. C'est aussi une chose qui m'a frappé, donc, lorsque j'étais en Turquie, on devait avoir beaucoup de médiums et d'autres gens, mais comme j'ai dit, ils ne sont pas. Ils n'ont pas honte de l'être, certainement. C'est un statut social comme une autre, un statut peu inviable, mais ce ne veut pas dire que tu as échoué dans la vie. Tandis qu'évidemment, ici, dans notre société moderne, le mendiant, c'est toujours quelqu'un qui aurait pu travailler, mais qui ne veut pas le faire. Qui est donc coupable, et donc aussi est presque toujours considéré comme aussi très proche de la criminalité, etc. Tandis, évidemment, dans la société moderne, on peut facilement tomber hors de la société lorsqu'on ne réussit pas à métamorphiser sa propre force de travail dans une quantité d'argent. Et justement, cela, historiquement, donc, a beaucoup avancé à cette époque-là, où, donc, par exemple, les paysans étaient obligés, par exemple, pas faire des corvées en nature, mais de réussir à, par exemple, à vendre leurs produits. Et donc, même si, par exemple, les prix pouvaient fortement baisser, ils étaient quand même obligés, alors, par exemple, de vendre toute leur récolte, par exemple, parce qu'ils devaient, par exemple, payer un prix constant en monnaie. Et donc, cela, c'était seulement une des causes, évidemment, de cet appauvrissement, de cette appauvrissement des campagnes donc à partir du 15e siècle. Donc, Donc, la invasion de la monnaie à l'intérieur d'économies qui avaient été essentiellement les économies de subsistance ou de dons. Et donc, justement, c'est le propre de l'argent de ne pas avoir une but en soi. Donc, justement, l'argent vise seulement à sa propre accumulation. Donc, nous l'avons dit souvent ici. Donc, le seul but dans le capitalisme, donc, c'est de transformer 100 euros en 110 euros, après 110 euros en 120 euros. Donc, c'est un processus purement quantitatif, purement cumulatif, qui est indifférent à tout contenu. Et donc, c'est le premier modèle, dit toujours Kurz, c'est cette espèce d'accumulation vide qui est donc, comme dirait Paul a dit, désencastrée par rapport à tous les besoins, à tous les désirs des êtres humains. Donc, une espèce de logique qui suit seulement son propre chemin, donc hors de tout contrôle humain. Donc cette logique déchaînée de l'argent, d'une certaine manière, donc, trouve sa naissance dans cette logique également autonomisée et déchaînée, qui était la logique évidemment de la machine militaire. Parce qu'évidemment, finalement, donc, cette multiplication des armes à feu était également quelque chose qui n'avait rien à voir finalement avec le véritable besoin et désir de la société. Donc ce n'était pas lié, par exemple, à quelques... avidité de quelque chose de concret, mais c'était également donc finalement le même existence donc d'une partie de donc, où la production sociale commence à obéir d'une certaine manière à des lois qui n'ont plus rien à voir avec ce que pouvait être le besoin et les désirs des personnes qui participent. On peut bien sûr trouver même dans d'autres sociétés, par exemple la construction des pyramides, ce sont également, on ne peut pas le reconduire à aucun besoin. Mais évidemment, ça restait quand même de choses assez, finalement, assez limitées, assez ponctuelles quand même dans les autres sociétés. Tandis qu'à partir de la révolution militaire, donc une bonne partie de la société, de certaine manière, tourne autour de la nécessité d'alimenter un processus qui, en tant que tel, est un processus, comme je dis, vide de sens. C'est un besoin quand même pour ceux qui dirigent de gagner des territoires, de défendre de l'heure, donc c'est un besoin de pouvoir, de puissance réelle ou symbolique, non? Oui, mais en même temps, la raison principale d'avoir des armes, c'est surtout pour ne pas être bouffé par des autres qui ont des armes. Donc c'est plus une lutte, souvent aussi plus une lutte pour la survie. Hein. Oui, c'est une lutte pour le territoire, les frontières bouger tout le temps, on gagne un territoire, on regarde. En France, les frontières de la France très mobiles, leur laisse, là. Un coup, ils gagnent du terrain, après ils en repèrent, on en regagne ailleurs. Oui, c'est l'arrivée aussi au Moyen-Âge avant les armes à feu. Donc c'est là, c'était pratiquement d'une certaine manière, une manière infiniment plus coûteuse à faire la même lutte pour le pouvoir. Hein. Sinon, de lutte territoriale, on le trouve évidemment aussi dans beaucoup d'autres époques, mais maintenant, donc, cette lutte coûtait beaucoup plus cher à la société, parce que pour la faire, une partie beaucoup plus grande des ressources sociales était nécessaire pour la guerre. Donc, Vous savez pourquoi, justement, on ne donnait pas aux femmes, ça ne se passait pas aux femmes, la terre? C'est parce que, justement, elles risquaient soit de tomber sur quelqu'un qui allait lui prendre la terre, soit d'être faible et de se laisser prendre sa terre. En fait, c'est ça. Et sinon, pour les Égyptiens, le pharaon, ils construisaient des pyramides pour rien. Mais ils ne construisaient pas des pyramides pour rien parce qu'ils devaient passer, c'était l'endroit pour passer dans la vie éternelle. Donc l'endroit pour que d'un pharaon, on passe à un autre pharaon. Donc c'était très important parce que le pharaon soutenait la douce céleste. Donc c'est un peu comme le pape. Et le pharaon, c'était comme le pape. Quand un pape meurt, tout de suite, on met une fumée blanche et un autre pape, et c'est Dieu qui désigne le pape. Et là, le pharaon soutenait la voûte céleste. Donc si jamais on ne passait pas d'un pharaon à un autre très rapidement, la voûte céleste, même dans la seconde, la voûte céleste s'écroulait. Et la pyramide était faite pour qu'il aille dans le delà. Donc c'est pas pour rien voyez ce que je veux dire? Dans l'idéal, bon, dans le matériel, non, mais dans l'idéal, c'est très important. Comment? Ils n'ont pas construit les pyramides partout. Ils n'ont pas construit les pyramides partout. Pas dans toute la société égyptienne. Ah non. C'est l'argent. En fait, ce que j'ai du mal à distinguer, c'est bon, dire que l'argent est recherché pour lui-même. Sans autre considération pour lui-même. Est-ce que, bon, et on ne voit pas la différence donc, entre, par exemple, l'avare, cupide, enfin, pathologique, et le monarque, on ne voit plus la différence. Enfin, dans la formulation, elle ne fait pas apparaître une différence. Est-ce que c'est, parce que là, c'est, à la limite, on peut dire l'argent, c'est, l'argent est recherché en tant que moyen, le moyen des moyens, le moyen suprême, le moyen des moyens, etc., effectivement, mais... C'est le sans but, j'arrive pas à le... Parce que justement, dans une optique non capitaliste, même si l'argent existe, finalement, peut être retransformé dans des biens de consommation. Et donc là, le cycle s'arrête. Donc là, on n'est pas encore dans une logique... Par exemple, si j'ai beaucoup d'argent, et après, je vais donner une grande fête, ou je vais m'acheter une belle maison pour habiter, ou je vais me tenir une grande arène ou d'autres choses, type pré-moderne, donc là, le cycle termine. Donc l'argent est disparu. Donc là, on rentre dans une vie capitaliste lorsque le capitaliste se réduit le plus possible dans ses propres dépenses et utilise le plus possible cet argent pour un nouveau cycle donc qui doit grandir. Et c'est une idée que même je pense au plan des mentalités qui est si totalement étranger aux sociétés non modernes. Cette idée d'une croissance perpétuelle qui en plus... qui, en vérité, donc, où chaque besoin concret, finalement, est plutôt senti comme une espèce d'attentat à cette logique pure. Donc, même, par exemple, bien sûr que le monarque, par exemple, qui voulait avoir une armée, donc son dernier but, c'était l'armée devait protéger sa cour et sa vie de cour, etc. Mais plus il dépensait finalement pour la cour, donc pour les armées, donc plus il risquait de perdre cette cour, parce que finalement, donc l'existence, par exemple, toutes les dépenses pour la cour mettaient quand même finalement, étaient quand même une détraction par rapport aux dépenses militaires. Bien sûr, dans les têtes des acteurs, cela peut paraître différemment, donc évidemment, sauf dans le cas pathologique, même la poursuite de la richesse reste quand même liée pour les acteurs à l'idée qu'on veut d'une manière ou de l'autre jouir de la vie. Mais évidemment, pour y arriver, ils sont quand même soumis à une concurrence perpétuelle qui les oblige tout le temps donc, à donner la préférence donc, à la poursuite de cette accumulation vide. Après, historiquement, donc, c'est cela. Évidemment, n'est arrivé qu'à travers donc, un processus complexe et contradictoire. On sait par exemple qu'en Italie, qui était quand même presque le pays le nord d'Italie le plus capitaliste au 15e siècle, donc après que l'Italie, d'une certaine manière, a perdu sa centralité en Europe aussi à cause de la découverte de l'Amérique, en Italie, on a même un processus que les historiens appellent la réféodalisation de l'Italie, donc parce que beaucoup de bourgeois à cette époque-là donc finalement avaient investi leur argent obtenu par exemple par le commerce dans les rachats de terrain pour devenir finalement féodataire, retomber dans une espèce de logique de la féodale du prestige et de la consommation. Donc c'est un processus qui vraiment qui s'est avéré assez lentement et vraiment et au-delà de toutes les intentions conscientes. Je peux rajouter quelque chose, c'est que oui, cette histoire, tu as parlé des corvées tout à l'heure, mais c'est vrai que les gens, par exemple, c'était très profondément ancré dans les mentalités au Moyen-Âge, ça. C'est-à-dire que les gens, ils travaillaient, puis au bout d'un moment, ils trouvaient qu'ils en avaient fait assez, qu'ils n'avaient pas besoin de plus d'argent. Ils arrêtaient de travailler. C'était un peu l'ennemi de la corvée, ça. C'est pour ça qu'après, ils ont introduit l'argent et qu'ils ont trouvé le besoin de payer les gens, parce que comme ça, ils pouvaient dire vous travaillez plus et vous gagnerez plus, comme disait Sarkozy. Au début, c'était de les payer moins pour qu'ils travaillent plus longtemps. c'était... Voilà. Non, mais c'était très ancré, ça, cette histoire de Paul Lyon. Et Thomson, il en parle beaucoup, d'ailleurs. Ici, Thomson, il en parle beaucoup sur l'histoire anglaise, etc. Des gens qui, au bout d'un moment, ce qu'ils voulaient, c'était du pognon pour faire la fête, et puis pour manger, pour etc. Mais ils ne voyaient pas l'accumulation, ils ne comprenaient pas. C'était une idée, ça. Alors, si cette constitution du sujet capitaliste, cela a duré au moins 3 siècles, au moins du XVe au XVIIIe siècle jusqu'au XIXe, pour ne parler que de l'Europe, cela démontre aussi jusqu'à quel point cela a été le contraire de tout ce qu'on avait vécu pendant des millénaires. Pourquoi donc cette mentalité a avancé finalement assez lentement, et ce même porteur pouvait à toute occasion, par exemple, reprendre des anciennes attitudes, par exemple, justement, par exemple, de reprendre une attitude, justement, par exemple, de consommation, de prodigalité. Donc ces changements, quand même, ne s'est pas produit dans une génération. Mais le noyau de ce processus, c'est-à-dire la monétarisation de l'économie, poussée par la révolution militaire, là, c'est comme quelque chose, une rupture assez forte qui finalement s'est produite en cours de quelques générations. Donc, entre la essentiellement au XVe siècle. Donc, évidemment, ces effets se sont fait sentir beaucoup plus tard. Et justement, par exemple, un autre auteur dont je voulais parler, Bockelmann, insiste par exemple que notre moderne perception du rythme et la distinction entre accentué et non accentué, par exemple, dans une série de sons, que cela, par exemple, selon cet auteur Bockelmann, est par exemple une conséquence du fait que les hommes, à cette époque, déjà depuis quelques générations, s'étaient habitués à avoir un rapport au monde qui passe à travers l'argent, et donc à travers un rapport où il y a une chose qui est complètement vide de contenu, qui est l'argent, qui se réfère à quelque chose qui n'existe qu'en tant que contenu résumé par l'argent. Alors là, c'est un peu compliqué, je ne sais pas si aujourd'hui on va y arriver. Donc, moi, je dis, si on peut dire que, une vision, disons, explicitement abstraite du monde naît essentiellement au XVIIe siècle, donc avec Descartes, avec Galilée, avec d'autres. Donc, nous avons vraiment donc, la évacuation de la qualité, même de du monde, et nous avons donc sa réduction à des quantités, nous avons la mathématisation du monde, évidemment c'est très fort chez Galilée, et tout. Nous avons la réduction des agents multiples dans le monde à un seul facteur, la gravitation chez Newton, et donc tout ce qui est la révolution scientifique était donc surtout, comme on dit toujours, une énorme avancée de la pensée abstraite. Donc de l'habitude de penser le monde non sous forme de... dans des formes concrètes, des couleurs, et encore moins avec des esprits qui habitent dans les arbres, etc. Mais ça réduction à une espèce de jeu de force et de matière qui sont exprimés dans des termes mathématiques en tant que pure quantité. Donc, c'était la fameuse phrase de Galilée que le livre de la nature est écrit en triangle, cercle et carré. Donc ça veut dire... Donc excite toutes les catégories comme le feu, l'eau dans la cosmologie traditionnelle. Et donc il y a donc quelque chose qui est finalement assez proche de la logique de la valeur. Donc avec des mots, cette évacuation de la qualité à faveur d'une pure quantité. Et donc selon la vision traditionnelle de l'histoire des sciences, cela a été simplement un progrès parce que l'être humain, donc, finalement, donc, il a arrivé à la conclusion que pour comprendre la nature, il était nécessaire de raisonner, par exemple, comme raisonner Galilée et Newton, et pas comme, par exemple, de raisonner comme on raisonnait au Moyen-Âge. Mais une autre approche donc, à l'histoire aussi de la science, dit que justement quand même que ce changement aussi de vision du monde, d'idéologie, de science, etc. sont quand même liés à des changements dans d'autres sphères sociales et notamment dans la sphère de la reproduction quotidienne et que le fait que après quelques générations que les êtres humains sont habitués d'utiliser l'argent comme leur interface, utilisons ce mot contemporain, l'interface principale au monde de l'argent, la perception du monde commence à se restructurer et par exemple à s'habituer à une vision abstraite et quantifiante du monde qui par exemple aurait été inimaginable pour les hommes d'une autre époque historique. C'était aussi un peu la théorie de Son Rethel, donc je fais circuler ce livre pour lequel j'avais écrit la préface. Donc c'était un philosophe allemand du 20e siècle, proche de l'école de Francfort, qui était un des premiers à tenter de démontrer, et là il va assez large, il voulait démontrer que déjà dans l'Antiquité, donc la naissance de la philosophie grecque, même le premier philosophe grec, les Ioniennes, donc ça dit que ça ne peut pas être un hasard, que c'est arrivé pratiquement une génération après le premier monnaie qu'on a frappé, qui était également au 7e siècle, donc avant Jésus-Christ, dans la même région de la Grèce. Donc il tente d'établir un lien. Donc après, il a écrit une série de livres qui est maintenant, donc, je pense que nous ne parlerons pas, mais qui ont une approche assez intéressante. Donc, ils tentent de voir que ce ne sont pas seulement le contenu de la pensée, mais les formes même de la pensée qui sont liées au processus de reproduction matérielle de la société. Donc, au moins, dans la perspective de Son Rethel, on reste encore un peu dans le matérialisme historique. Donc, je pense là, il faut aller un peu plus loin. Mais donc, lui, il affirme donc, que même la pensée philosophique, la logique, la pensée abstraite, la mathématique, etc., cela ne tombe pas du ciel, et cela n'est même pas dû à une simple croissance cumulative des connaissances humaines, mais cela est quand même dû à ce qui arrive effectivement dans la sphère de la reproduction quotidienne. Qui c'est qui dit ça ? Son Rethel. Et donc, il existe un auteur allemand, malheureusement pas traduit, peut-être la prochaine fois, peut-être pour la dernière séance, je vais peut-être amener une petite bibliographie aussi avec le titre que j'ai cité dans le dernier cours. Cet auteur qui s'appelle Eske Brockelmann, donc justement, il a fait une découverte assez intéressante, qui à première vue semble une chose assez peu pour spécialiste. Il a dit que c'est autour de 1620 qu'apparaît une nouvelle façon dans la musique de considérer le rythme. Il y a un système d'annotation qui est la même chose pour la poésie, c'est-à-dire il apparaît la distinction entre le accentué et le non-accentué, entre ce sur lequel tombe l'accent et l'autre, il n'a pas d'accent. Par exemple, nous sommes habitués, il dit même par exemple, si nous écoutons même une robinet qui coule, nous sommes habitués à le sentir toujours comme une tac-tic, tac-tic, tac-tic. Donc nous sommes habitués à toujours concevoir chaque rythme comme une succession de sons accentués et non accentués, avec l'idée qu'il ne peut pas y avoir deux sons accentués tout de suite après l'autre. Il faut toujours entre deux sons accentués, il en faut toujours au moins un son non accentué. Même chose, lorsque nous récitons une poésie, il faut là aussi qu'il ne peut pas y avoir deux syllabes accentuées, sinon nous trouvons qu'il n'y a pas de rythme. Alors, nous, il affirme, donc, il retrouve cela dans des manuels de métriques de poésie et de musique du début du XVIIe siècle. Et d'ailleurs, c'était justement Descartes qui déjà était un des premiers avec un écrit de jeunesse qui s'appelait Compendium Musicae, publié en 1618, à introduire donc cette habitude, ce rythme donc, qui se base sur cette alternance entre l'accent et le non accentué et non accentué. Et cela donc n'est pas naturel, ça n'existait pas dans la conception, par exemple, de la musique grégorienne, dans d'autres systèmes d'annotation. Et cela est-il ici intéressant parce qu'il dit que c'est un rapport de pur, un rapport d'exclusion réciproque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire entre deux syllabes, entre deux sons, l'un n'est accentué que parce que l'autre ne l'est pas, et vice-versa. Donc, ce n'est pas une qualité que chaque élément possède en tant que tel. Par exemple, Même la poésie gréco-latine, par exemple, s'est basée sur des syllabes longues et brèves. Donc, alors, une syllabe est longue et brève en tant que telle. Donc, elles ne peuvent pas échanger leur place. Donc, elle n'est pas longue simplement. La définition de la langue, on peut déterminer une syllabe si elle est longue, même sans la confronter à la syllabe à côté. En revanche, si nous sommes, évidemment, par exemple, dans les syllabes accentuées ou non accentuées, une syllabe ne le accentuée parce qu'elle est par rapport à l'autre qui ne l'est pas. Également, si nous entendons, par exemple, le réveil qui fait tic-tac, tic-tac, tic-tac, donc l'impression qu'il y a une succession entre une chose plus accentuée et l'autre, donc évidemment, ils pourraient bien changer leur place. Parce qu'évidemment, ils ne tiennent leur place que par rapport à l'autre. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de prééminence de la relation sur le contenu. Oui, c'est un peu compliqué, moi j'ai trouvé que cette chose est intéressante, parce qu'après, il lit cette analyse à l'argent. Il dit que cette idée, donc ce n'est pas du tout naturel, ça arrive historiquement, donc il dit même autour de 1620, il est assez précis. Et finalement, il le lit justement à la large diffusion qui avait alors à cette époque le rapport entre la marchandise et l'argent. Parce que l'argent est justement quelque chose, est une espèce de. Justement, l'argent est la valeur dans sa forme pure. Donc ça veut dire qu'il n'est pas la valeur d'une chose ou d'une autre, mais c'est la valeur est justement une valeur pure qui peut être détachée d'un objet et passée à un autre objet. Donc justement, la valeur est une pure abstraction lorsque, par exemple, nous avons une somme d'argent, nous achetons un produit et après nous revendons ce produit, nous avons une autre quantité d'argent et nous achetons encore une autre chose, nous imaginons qu'il y a toujours une valeur constante, donc une valeur qui est détachée par rapport aux objets concrets. Donc c'est une valeur, donc une valeur pure qui peut simplement se incarner chaque fois dans une autre quantité, ou soit d'une n'importe quelle marchandise, soit de la marchandise argent. La valeur ne réside jamais dans aucune de ces choses-là. De même parce que le même objet, lorsqu'il n'est plus, il est consommé, ou par exemple je le mets chez moi, il n'a plus de valeur, donc il devient un simple objet de consommation et la valeur se déplace ailleurs. Donc ça veut dire, la valeur, donc à partir, donc il est lié là au début de la modernité où donc l'argent sort donc de son rôle dans les niches et des médiations et devant le centre de la vie sociale. Donc ça veut dire la valeur n'est plus liée à de quelque matériel, mais justement il peut passer d'une réalisation à l'autre. Et donc dans l'analyse elle-même assez abstraite de Bockelmann, donc cette valeur n'est plus la unité de quelque chose, cette valeur donc ne résume pas des choses concrètes, mais est une unité pure, donc une unité qui n'est pas référée à du contenu, mais la valeur existe en tant qu'une référence pensée à toutes les marchandises, à tous les biens, parce que chaque valeur donc existe parce que toute marchandise pourrait exprimer sa valeur dans la marchandise argent. Donc ça veut dire que la marchandise argent existe donc en tant que pure relation, en tant qu'acte de relation. On dit que toutes les marchandises existent en tant que ce auquel on se réfère. Et donc là, c'est quand même en termes économiques, en termes de rapport marchandise-argent, quelque chose qui n'existe que depuis les débuts du capitalisme et depuis la monétarisation effective aussi des rapports quotidiens. Donc il y a d'un côté une espèce d'unité pure donc, qui contient à l'état potentiel tout contenu possible, donc parce que l'argent représente n'importe quel autre contenu, et les autres et les différents contenus qui pratiquement que n'existent qu'autant que parce que l'autre chose peut se référer à elle et transformer, donc faire qu'une bien soit une marchandise. Et donc, on peut aussi dire que c'est le rapport entre la fonction et le contenu de la fonction. Et donc, cette unité pure, dit toujours Bockelmann, en tant que le non-contenu absolu opposé au contenu, c'est une nouveauté historique qui n'a rien à voir, par exemple, avec la unité de la multiplicité, par exemple, chez Platon, qui reste toujours évidemment une unité. L'idée platonienne reste quand même, par exemple, surtout une unité de choses concrètes. Il n'y a pas une référence pure comme dans le fait de l'argent, donc une référence qui fait abstraction de tout contenu auquel elle se réfère, parce qu'elle peut se référer à n'importe quoi. Et donc après, donc, dans son livre, il trouve donc cette espèce de scission donc, entre la fonction et le contenu, donc il le retrouve dans beaucoup d'autres choses, dans la mathématique, une mathématique pure des Nes qu'est au XVIIe siècle. Et à cette époque-là existe aussi donc, l'idée d'un mouvement pur, donc d'un mouvement qui n'est pas le mouvement de quelque chose de concret, mais qui existe en tant que tel. Parce que ça, là aussi, le sens des expériences de Galilée, parce que Galilée, évidemment, pour lui, il ne s'agissait pas de mesurer quelle était la vitesse réelle du mouvement d'objets, mais de faire une expérience mentale, donc où on fait abstraction de tous les autres facteurs, par exemple de telle résistance de l'air, du poids spécifique, etc. Là aussi, pour arriver à l'idée même du mouvement, et pas du mouvement, par exemple, du corps avec une certaine, avec une certaine poids spécifique. Et donc, il dit, donc cet auteur-là, Bockelmann, donc il cite aussi donc, l'évolution de la mathématique. Donc il dit qu'il y a déjà des traités à la fin du XVIe siècle où d'abord le chiffre, par exemple, est défini comme non plus comme une extension, mais essentiellement l'élément de référence d'une unité. Une unité qu'il faut absolument penser séparée par rapport à cette au chiffre particulier. Alors moi aussi, je ne suis pas un expert donc des mathématiques ni des sciences naturelles, donc je ne peux pas très bien vous le résumer. Je peux aussi dire qu'il y a donc ce n'est pas tout juste ce que dit cet auteur. Mais c'est sûr qu'évidemment, là, c'est connu, donc justement ce qu'on appelle la révolution scientifique consiste justement dans ce fait, donc dans cette abstractification de la nature, donc de ne plus raisonner justement des éléments concrets, des corps concrets, mais justement d'exprimer tout le plus possible comme de simples relations mathématiques. Où pratiquement donc le raisonnement scientifique existe justement c'est basé sur cette expulsion de tout contenu et finalement dans une deuxième étape il faut encore ajouter à nouveau le contenu à cette forme pure mathématique. Je dis bon, parce que pour Galilée justement l'important n'est pas de faire des expériences, en vérité Galilée n'est pas fait des expériences, il n'est jamais monté sur la tour de Pise pour jeter la balle, comme on dit, ces expériences étaient justement des expériences mathématiques, c'était justement des purs calculs. Et donc, on dit souvent que c'était le propre de la révolution scientifique, qu'on a remplacé finalement le rapport direct à la nature, l'expérience, à la simple connaissance livresque. C'est là, c'est habituel. Donc, le Moyen-Âge, il était toujours dans l'étude d'Aristote, de classique. On dit que la véritable révolution scientifique aurait été justement d'aller vers une observation directe de la nature. En vérité, c'est tout le contraire. En vérité, empiriquement, c'est tout le contraire. Empiriquement, l'observation nous enseigne, par exemple, que le Soleil tourne autour de la Terre. En vérité, la révolution scientifique a été possible justement parce que par ce détachement par rapport à tout ce qui est concret, à tout ce qui est corporel, et justement l'élément décisif, c'était la mathématisation et donc la possibilité de faire abstraction de toute forme concrète des phénomènes naturels pour le réduire dans une espèce de, donc, une espèce de quintessence pure qu'on peut exprimer en deux chiffres. Et donc, alors là, je répète, c'est évidemment c'est quelque chose de bien connu, cela a été bien étudié, mais justement pour notre propos, il est intéressant au moins de prendre en considération l'affirmation que cette nouvelle forme de nouvelle approche au monde n'aurait pas pu se diffuser dans les têtes s'il il existait déjà l'argent en tant que rapport au monde. Donc c'est le fait d'avoir quotidiennement rapport à quelque chose de si abstrait comme la valeur qui est exprimable en termes des chiffres et qui une valeur qui n'est pas liée à un contenu particulier mais qui peut passer d'un contenu à l'autre, c'est cette habitude d'une certaine manière a aussi préparé le tête à, par exemple, à concevoir et au final à accepter quelque chose comme la révolution scientifique. Comme je dis, je ne suis pas à même d'exprimer sur toutes les analyses de cet auteur-là, peut-être que ce n'est même pas nécessaire ici, mais je pense qu'on peut dire sans se tromper qu'il doit y exister un lien entre tout le phénomène, disons, de certaine manière idéologique dont nous parlons ici, l'essence de la science, l'essence de la pensée économique, philosophie du sujet et de l'objet chez Descartes, etc. Donc tout cela ne s'est pas produit simplement dans l'empirie des pensées, mais était lié quand même à un autre processus bien réel dans la société qui était effectivement la diffusion de l'argent et du travail abstrait. En même temps, je n'appellerai pas cela une explication économiciste ou économique, parce que justement, ce qui compte, ce n'est pas simplement qu'à travers l'argent, il y avait, disons, de nouveaux rapports de classe ou d'autres formes d'exploitation. L'argent n'était pas un facteur économique, mais était également justement un facteur, si on veut, subjectif et objectif en même temps. Donc à travers l'argent, donc les êtres humains ont instauré une autre façon de se rapporter au monde. Donc d'une certaine manière, qui tenait à beaucoup d'égards donc la même place qu'elle pouvait tenir, par exemple, dans la religion, dans d'autres formes de métaphysique, dans d'autres formes de société. De même que dans une société vraiment religieuse, évidemment, nous, on s'explique tout ce qui arrive comme une intervention divine. Nous, aujourd'hui, sommes habitués à nous expliquer presque tout ce qui arrive comme, évidemment, dû à l'économie, à l'argent et au marché. Évidemment, ce parallélisme n'est pas total, mais il faut quand même dire, d'une certaine manière, on peut dire qu'à cette époque-là, la médiation principale entre individus, entre l'individu et les natures, c'est l'argent et le travail abstrait. Et cela représente quand même une rupture ontologique très forte par rapport à toutes les sociétés prémodernes. Et c'est une rupture donc, qui ne s'épuise pas dans un domaine simplement économique. Justement, alors on a la dernière séance donc, dans une semaine. Et donc j'espère, donc là on va un peu plus parler d'abord de la question de qu'est-ce que c'est que le sujet. Alors en vérité, et aussi parce que dans une certaine vision traditionnelle de la pensée d'émancipation, il s'agit de libérer le sujet, donc de permettre au sujet, donc par exemple au sujet collectif comme la classe ouvrière ou au sujet individuel, de se émanciper par rapport à une objectivité sentie comme aliénante et négative. Alors il faut justement aussi passer à une critique du sujet, dire que le sujet n'est pas une donnée ontologique qui est forcément, disons, manipulée ou attaquée par le capitalisme en tant que structure externe, mais que le sujet, même ce qu'aujourd'hui nous appelons sujet, est quand même une structure historique qui a une date de naissance historique et qui et que la formation historique du sujet, d'une certaine manière, est identique à la formation du capitalisme, d'une certaine manière. Il n'existe pas, à mon actuellement, un sujet qui ne soit pas le sujet capitaliste. Et cela, on peut aussi dire, mais pour parler en termes politiques, dépassement de la société fétichiste marchande ne peut pas être une revendication, une glorification du sujet, mais doit également être une dépassement de la forme sujet. Évidemment, le sujet qui n'est pas équivalent à l'individu, à l'être humain, etc. Mais le sujet donc, opposé à l'objet est quand même une certaine manière historique, comment on appelle les humains conçoivent le rapport au monde. Et donc, la prochaine fois, donc, je vais faire une brève introduction justement sur le statut donc, du sujet. Et donc, ensuite, j'espère qu'on aura l'occasion de voir